Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neuron. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Nice.

Will you follow steps of the madman? Will you dance with me? Though I don't know how to keep the rhythm. Will you dance with me? Don't you see I am burst and shy? Will you dance with me? No matter that watchers will laugh at us. Alors, c'était Jersey and Chuck avec quatre extraits de l'album Ego Georges, qui est paru en 2014. On a entendu Waltz, ça a été précédé de Humid Tube, Big Deal et Mermaid's Song. Alors, on va passer de la Pologne à l'Angleterre avec un groupe qui est connu avec quatre disques à son actif. Le dernier qui est paru en 2014, je parle ici du groupe Panic Room, qui est une formation constituée de certains musiciens du groupe Mostly Autumn, dont la chanteuse Anne-Marie Helder. Alors, l'album paru en 2014 s'intitule Incarnate et on va entendre la pièce titre. Thank you. Alors, venez d'entendre la formation britannique Panic Room avec la pièce-titre de l'album Incarnate. Ça, c'est un album paru vers le début de l'été de 2014. Après la pause, Unreal City, Théo et State Urge. Alors, sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones, une émission consacrée au rock progressif. Vous pouvez aussi écouter l'émission à partir sur le web, à partir de cestfou.ca et aussi à partir de l'application C'est Fou Live sur le iPhone. De plus, vous pouvez entendre l'émission en différé sur SoundCloud Jimmy Farley pour l'émission en cours et... aussi, ceux qui désirent retourner en arrière, vous pouvez sur archive.org écouter les émissions passées qui datent en fait depuis le début de décembre 2014. Alors, on débute le deuxième bloc avec Unreal City. C'est un groupe qu'on a déjà entendu à l'émission récemment. En fait, on avait extrait des pièces de l'album Il Passé de Tramonto. Mon italien est un petit peu aride ce soir. Alors, on va entendre les deux pièces qu'on n'a pas fait jouer et ça va faire le tour de l'album. On va débuter avec Ouverture et on va enchaîner sans interruption avec Lo Schermo di Pietra. Alors, voici Unreal City. Thank you.

Alors, c'était la formation italienne Unreal City. La pièce qu'on vient d'entendre, c'est Lo Schermo di Pietra et ça a été précédé de Ouverture. Les deux pièces sont extraites de leur plus récent album Il Paese del Tramonto, qui est en fait leur deuxième production depuis 2 ans, en fait. Alors, on enchaîne avec un groupe américain du nom de Theo, T-H-E-O. C'est leur premier album qui s'intitule « The Game of Ouroboros ». C'est paru il y a quelques semaines et on va entendre la pièce « Idol Worship ». Alors voici Théo. Thank you. venez d'entendre le groupe Théo, formation américaine, avec la pièce Idol Worship. C'est tiré de l'album The Game of Ouroboros. C'est un album qui est tout récent. Alors, on termine le deuxième bloc avec une formation polonaise du nom de State Urge. Ils en sont à leur deuxième album qui s'intitule Confrontation. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Cold as a Lie. Alors, voici State Urge de Pologne. Tell me that you're mine. Alors, c'était State Urge avec la pièce Cold as a Lie. C'est tiré de l'album Confrontation qui est paru à la fin de l'automne. Alors, après la pause, Steven Wilson et Léormé. Voici rendu au troisième bloc de l'émission Rock de Neuron, une émission consacrée au rock progressif. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc avec une nouveauté de Steven Wilson. L'album s'intitule « Hand Cannot Erase ». C'est un peu dans la lignée de l'album qui parut en 2013, « The Raven That Refused to Sing and Other Stories », qui avait été qualifié à l'époque d'album de l'année par plusieurs experts un petit peu partout sur la planète progressive. Et il remet ça avec ce nouvel album qui est en fait son quatrième. On en a fait jouer la semaine dernière un extrait. Et on continue cette semaine avec « Ancestral ». Alors voici Steven Wilson. Yeah. C'était Ancestral, la pièce de Hand Cannot Erase, le dernier album de Steven Wilson. Alors, on enchaîne et conclut le troisième bloc avec trois pièces tirées du spectacle de Les Ormés, de leur tournée de 2005. D'ailleurs, c'était une tournée qui s'était terminée à Montréal. Et il y a eu, durant la tournée, un enregistrement de deux CD, un album double, en fait, qui était agrémenté d'un DVD. Si vous avez la chance de trouver Les Ormés live in Pennsylvania, je vous recommande fortement. Alors, extrait de cet album-là, on va entendre Felona, La Solitudine di ci protegge il mondo et L'Equilibrio. Alors, voici Les Ormés. Segreti nelle sfere trasparenti si specchiano nell'aria, si contagiano la gioia, limpidi e sereni volano i pensieri, le donne, le cicale discorrono d'amore. Si muovono col vento, scorrono le valli, rimbalzano sul mare, ruotano leggere nel sorvolare i monti e lasciano una scia come una cometa. Quando cala il sole e il vento si riposa, si fermano le sfere e formano un villaggio. La gente si ritrova e si corre incontro per un'altra festa mentre muore il giorno. Alors, c'était Les Ormes avec trois pièces extraites de l'album concept Philona and Sorona, et c'est extrait de Live in Pennsylvania. C'est un album double qui est sorti lors de la tournée nord-américaine de 2005. Après la pause, Gong. Fou de singularité. Vous êtes dans la zone 89.1. La radio Sifu. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Rock de Neuron, une émission consacrée au rock progressif, et nous en sommes rendus au quatrième bloc de l'émission qui sera entièrement consacré à David Allen, décédé vendredi dernier à Brisbane, en Australie. David Allen, qui était le fondateur du groupe Gong. Alors, un petit rappel historique pour mentionner qu'il était membre aussi de la formation Soft Machine avant de créer avec Steve Elage et Didier Malherbe et Pierre Morlin la formation Gong. Ils ont, je pense, presque une trentaine, non, 20 quelques albums studio, beaucoup de compilations et beaucoup d'albums live. Ce soir, pour lui rendre hommage, on va faire un petit tour d'horizon. En fait, on va partir de l'album qui est paru cet automne, qui s'appelle I See You, et on va retourner jusqu'en 1973 avec quelques pièces extraites de leur meilleur album, selon moi, qui s'intitule Angel's Egg. Alors, voici, sans interruption, deux pièces de I See You. La première, ça sera When God Shakes Hands with Devil. Ça sera suivi de Eternal Will Spins, et quelques pièces de l'album Angel's Egg, dont I Never Glared Before, Oily Way et Love Is How You Make It. Alors voici Gong et le regretté David Allen. Thank you. Thank you. angels, eggs, and active doctors, radio gnome and love projectors. Then he'll point up in the sky, and you will see the teapots flying. Down the oily way you slide, through the inner space you ride. Lots and lots of pothead pixies riding round in teapot taxis. On the planet gone, they say, if everything goes wrong today, fill your teapot up with tea. Come and take a ride with me. Games now. Give a little wink, you know, just tip the bartlet pixies. Give a little wink.